Pour commencer, l'idée en fait de cet article et du coup de cette intervention en quelque sorte, c'est venu d'une commande. C'est venu d'une commande puisque deux historiens, Michel Margueras et Fabien Cardoni, dirigent un volume au Comité d'histoire économique et financière de l'IGPDE sur l'histoire longue des finances publiques. En gros, c'est les finances publiques, les dynamiques des finances publiques dans le long XXe siècle. Un premier volume est paru que je vous encourage à consulter. Il est librement accessible en ligne. Il m'avait sollicité, alors déjà pour le premier, pour tout un tas de raisons, j'ai pas réussi à répondre positivement à la proposition. Donc pour le second volume, il m'avait sollicité en me disant on voudrait en fait une synthèse sur l'histoire longue du poids de la fonction publique. Alors prenez-le comme un thème neutre quand on le dit là, mais en gros, qu'est-ce que c'est la fonction publique en termes de traitement de masse salariale, etc. sur le long XXe siècle, quel est leur poids dans la dépense publique? Et en fait, j'ai, comme souvent, alors qu'on a plein d'autres choses à faire, j'ai accepté un peu vite en me disant, bon, il y a quelques livres, faire une synthèse, ça veut juste dire relire ces livres, et puis je vais les résumer, les citer correctement et expliquer où on en est. Et puis, une fois que j'ai ouvert ces livres, je me suis rendu compte qu'on n'avait absolument pas la matière à faire une synthèse de l'histoire des traitements, puisque c'est un sujet qui, jusqu'à présent, et à vrai dire, même une fois que éventuellement vous m'aurez écouté ou que vous aurez lu ce que j'ai écrit, une histoire qui reste à écrire. Alors c'est une histoire qui reste à écrire pour plusieurs raisons. La première chose, bon, la synthèse, pourquoi ? Parce que les sciences sociales s'y sont peu intéressées. J'y reviens dans un instant. L'autre raison, c'est que la question de l'accessibilité des sources, de leur disponibilité, c'est pas la question de leur existence, hein, j'insiste, c'est la question de la disponibilité des sources est complexe. Et enfin, l'autre raison, c'est aussi que dire on va travailler sur les rémunérations des fonctionnaires, ça semble simple comme ça, mais en fait, une fois qu'on s'y colle vraiment, se pose un grand nombre de questions autour des définitions et des périmètres qui, d'emblée, compliquent encore plus la chose. Alors le faible intérêt des sciences sociales, en réalité, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'historiens ou d'historiennes qui se soient intéressés au traitement des fonctionnaires. Alors quand je dis pas d'historiens ou d'historiennes qui se soient intéressés au traitement, c'est en tant qu'objet principal, parce que bien entendu, dans les histoires de certains corps, de certains ministères, de certaines périodes, on va avoir des éléments sur les salaires. C'est ce qui fait que j'ai quand même réussi à faire quelque chose, bien sûr, sinon j'aurais dû simplement dire à mes collègues que je renonçais. Mais en réalité, les seuls qui se sont un peu intéressés de façon vraiment, disons, sérieuse et approfondie à la question des traitements, ce sont avant tout des économistes, et des économistes des années 30 et des années 50. Le premier, c'est François Perroux, qui, en 1933, publie une étude sur les traitements des fonctionnaires en France, et ça porte, en fait, sur la période début du XXe siècle jusqu'en 1933. Et c'est une enquête, en quelque sorte, commanditée, puisqu'il la mène dans le cadre du... alors, vous excuserez mon accent, je suis sûr que je le dis mal, mais Verein für Sozialpolitik, qui est, pour leur dire vite, une association de réformateurs sociaux en Allemagne, un petit peu comme en France, on avait la réforme sociale, la société d'économie sociale qui faisait le même type de choses, c'est-à-dire qu'on demande à des chercheurs de travailler sur tout un tas de sujets qui nourrissent des réflexions. Alors, réformateur social, il ne faut pas l'entendre comme, d'un point de vue politique, c'est des socialistes, hein, ça peut tout à fait être des conservateurs. C'est d'ailleurs plutôt des libéraux en France au début du siècle, c'est-à-dire des libéraux anti-étatistes qui s'intéressent à la question sociale et qui veulent trouver des solutions hors du socialisme. Je caricature un tout petit peu, mais c'est juste pour recadrer le fait que l'intitulé ne dit pas vraiment toujours ce que ça recouvre. Ensuite, on fait un saut de plus d'une vingtaine d'années avec André Tiano, économiste lui aussi, qui publie en 1957 un livre intitulé « Les traitements des fonctionnaires et leur détermination », avec un jeu de mots en réalité dans le titre, puisqu'il s'intéresse à la question de la détermination des traitements, mais il s'intéresse à la détermination des fonctionnaires, puisque c'est un économiste, un peu comme Perroux aussi, alors sur des tendances très différentes, hein, Perroux est sur une ligne qui va progressivement aller vers plus de conservatisme et En l'occurrence, il a beaucoup travaillé à Vichy. Tiano, lui, travaille avec les syndicats. Et en l'occurrence, j'ai pas réussi à le définir si c'était une commande syndicale ou si simplement il a beaucoup travaillé avec les syndicats. Mais il explique dans ses remerciements qu'il n'aurait pas pu faire l'étude sans. Alors, je crois que c'est principalement avec la CFTC avec qui il a travaillé. Mais c'est une enquête qui porte en fait sur l'évolution des traitements des fonctionnaires depuis en gros la période où Pérou s'est arrêté, l'entre-deux-guerres, jusqu'en 1957. Et en réalité, pour traiter de cette période de 20 ans, il remonte au début du siècle parce que l'un des enjeux principaux, c'est de savoir le pouvoir d'achat des fonctionnaires dans les années 50, qu'est-ce qu'il est par rapport aux décennies précédentes, et donc il ne s'arrête pas aux années 30. Et en fait, voilà. C'est tout ce qu'on a si on s'intéresse à l'histoire de la rémunération des fonctionnaires en France au XXe siècle. Si on cherche des études consacrées spécifiquement à l'évolution des traitements, alors j'insiste aussi sur le fait que c'est des études concentrées sur les rémunérations et qui par ailleurs nous donnent des données qui nous permettent de savoir comment elles ont évolué, quel a été le volume des traitements, quel a été le pouvoir d'achat, toutes ces questions-là. C'est tout ce qu'on a, mais on a quand même quelque chose en plus. On a quelque chose en plus qui est un chapitre du troisième livre que vous voyez à l'écran ici, qui s'appelle « Gouverner par les instruments », publié par Pierre Lascoum et Patrick Le Gallès, dirigé par ces deux politistes, et qui est un livre collectif qui s'inscrit dans une réflexion sur ce que sont les instruments d'action publique. Et à l'intérieur de ce volume collectif, vous avez une contribution de Philippe Bézès, et Philippe Bézès qui est politiste, qui avait abordé un de ces aspects, l'aspect qui fait l'objet du chapitre dans sa thèse, qui est la mise en place du raisonnement en masse salariale dans la fonction publique. On a fait un article qui est très riche, très, très dense. Je ne sais plus, il fait peut-être 40-50 pages, mais il est vraiment très, très, très, très riche. Parce qu'en fait, c'est l'étude de la façon dont, entre les années 60, en réalité, non pas 80, les années 60 et les années 2000, se met en place une nouvelle façon d'aborder la question des traitements en France. Quand je dis une nouvelle façon de l'aborder, c'est-à-dire une nouvelle façon de mesurer l'évolution des rémunérations c'est un instrument d'action publique au sens d'une nouvelle façon de discuter avec les syndicats de ce que sont les évolutions salariales. Donc, on n'a pas beaucoup de travaux, mais c'est des travaux solides. Donc, ça permet quand même de se faire une idée des grandes transformations, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, pourquoi il y a encore beaucoup de choses à faire? D'abord, parce que les sources sont très peu accessibles. Elles sont peu accessibles, et ça fait plus de 100 ans qu'on le dit, puisque dès 1914, le directeur de la Statistique Générale de la France, l'ancêtre de l'INSEE, qui est Lucien Marche, dans une étude sur l'évolution des effectifs, mais dans laquelle il parle des traitements, nous dit qu'il est impossible de trouver, je cite, « quelque part dans la comptabilité publique, le total des sommes payées aux fonctionnaires de l'État de différentes époques ». Et ce qu'il dit, c'est en fait « je ne peux me baser que sur des traitements successifs de quelques catégories d'agents ou de fonctions pour me faire une idée de l'évolution ». Alors je vous passe toutes les autres citations que j'aurais pu faire, mais en gros, ce type de déclaration, j'en ai trouvé, je les ai mises dans l'article en question, de façon très régulière, à chaque fois que quelqu'un s'est intéressé, notamment au nombre des agents, j'y reviendrai plus tard, sur le fait de dire qu'on n'a pas de statistiques sur cette question. François Pérou commence le volume que je montrais tout à l'heure en disant que l'état de la statistique sur la fonction publique est indigne d'un grand état démocratique. Alors quand je dis que c'est la disponibilité, le problème, c'est que ils disent c'est indigne, on n'a rien, et ils publient quand même une étude. Donc ils trouvent des données. Simplement, ça suppose un certain nombre de difficultés, de contournements, etc., pour avoir des choses. Mais en fait, on peut aller jusqu'à aujourd'hui. On peut aller jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand on se lance dans une étude et qu'on essaye de faire cette synthèse dont je vous présente quelques résultats aujourd'hui, eh bien, en dépit des numérisations considérables qui ont été faites de la statistique publique, mais on ne trouve pas de séries longues. Quand je dis séries, en fait, on trouve des séries longues, mais la définition de la série longue pour l'État, elle a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années, puisque moi, quand j'ai commencé à travailler sur les effectifs de l'État au milieu des années 2000, une série longue, ça remontait aux années 50, voire au début du siècle. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique Carré, qui avait publié des annales statistiques de la fonction publique, il avait essayé de faire un siècle. Aujourd'hui, quand vous allez sur les sites publics, les séries longues, elles ont 10, 15, 20 ans. Ce qui dit quelque chose, à mon avis, plus de la demande par les médias, les chercheurs, etc., que par l'offre de la statistique publique, puisque les données, ils les ont. Donc c'est juste qu'ils se rendent compte qu'à mon avis, les séries les plus longues ne sont pas forcément les plus observées. Et de fait, quand j'ai commencé à faire cette enquête, j'ai écrit à Mathilde qui m'a renvoyé vers Gaël pour savoir s'il y avait des données, qui m'a confirmé que, en fait, les données disponibles sont celles qui sont disponibles et que si on veut travailler sur cette question, bah, il faut les agréger soi-même en quelque sorte. C'est-à-dire notamment les rapports annuels de l'administration et de la fonction publique qui ont des données sur les rémunérations à chaque fois. Mais ça suppose donc de télécharger chaque PDF, d'aller les regarder, de reconstruire des séries, ce que j'ai en partie fait, mais pas intégralement dans le cadre de l'étude que je vous présente. Troisième obstacle et difficulté, c'est la question... je l'ai mis deux fois. Hop. C'est la question du périmètre et de la focale. Même si on avait les données et qu'on avait qu'à les télécharger pour les regarder, une des questions qu'on peut se poser immédiatement, c'est de savoir si ce qu'on veut, c'est mesurer l'évolution des dépenses de personnel, ou si ce qu'on veut, c'est mesurer les rémunérations des agents. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, les dépenses de personnel, on mesure un coût, les rémunérations des agents, on mesure un gain. Et bien entendu, en fonction de ce qu'on décide de mesurer, on ne va pas avoir le même discours, la même analyse et le même regard sur ce que représente la dépense fonction publique, pour le dire rapidement. Donc, ce n'est pas neutre. C'est important. C'est-à-dire que l'un des enjeux de l'étude que je vous présente là, c'est aussi de montrer que les conflits qu'on peut observer d'un point de vue, y compris politique et syndical, ne sont pas que des conflits idéologiques. Ce n'est pas que des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ont des intérêts divergents. C'est aussi parce qu'on ne part pas des mêmes bases. Alors bien entendu, on ne part pas des mêmes bases parce qu'on a des intérêts divergents aussi. Mais de fait, il est important de tenir compte de l'ensemble des éléments parce que si je m'intéresse par exemple aux rémunérations, eh bien c'est pareil, on ne s'arrête pas là. C'est quoi un fonctionnaire? Est-ce que je parle uniquement de la fonction publique? Est-ce que je parle des services publics? Si je parle de la fonction publique, tous les versants, uniquement l'État? Si je parle que de l'État, comme je vais le faire là, est-ce que les contractuels sont dedans, pas dedans, et ainsi de suite. C'est la question, si je m'intéresse aux dépenses de personnel, est-ce que je regarde le volume ou la proportion que ça représente dans les dépenses de l'État? Si je regarde uniquement le volume, je vais vous le montrer, on voit une hausse. Si je regarde la proportion, on voit une hausse, mais on ne voit pas la même chose. Une hausse dans les proportions de l'État n'a pas la même signification pour l'action publique et le choix politique qu'une hausse simplement des dépenses de personnel. Et en fait, souvent, quand on regarde des analyses qui ont pu être produites et qui ont nourri l'étude que je vous présente ici, bah souvent on prend une seule des focales, parce que c'est déjà du travail de reconstruire les séries, mais du coup, en ne prenant qu'une seule des focales, on limite en partie l'analyse qu'on peut faire de l'évolution des rémunérations. Alors, je vais quand même vous présenter quelques éléments, parce qu'on peut arriver à tirer un certain nombre de choses des données disponibles aujourd'hui. Ce que je voudrais vous présenter, c'est l'évolution donc des différents angles possibles, en essayant justement de ne pas en privilégier un seul, en partant des dépenses de personnel pour arriver jusqu'à la question du pouvoir d'achat. Donc les dépenses de personnel depuis les années 1870, puis les variations de pouvoir d'achat, et enfin une comparaison pour un indice salaire réel sur une période plus récente. Ce que vous voyez ici, c'est les différentes évaluations des dépenses de personnel de l'État depuis les années 1870 que j'ai pu réunir dans le cadre de cette étude. J'insiste sur le fait que tout ça, c'est ce que moi j'ai pu réunir, ce qui ne veut pas dire que c'est tout ce qui existe. Il est certain qu'il doit exister d'autres données qui permettraient peut-être même de remettre en cause les conclusions que je vais vous présenter ici, mais à ce stade, voilà ce que moi j'ai trouvé dans le cadre de cette étude qui reste modeste. Donc ce que j'ai fait là, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre en regard des données publiées, donc ce qu'a publié Tiano, ce qu'a publié Pérou éventuellement, il n'est pas là mais parce qu'il n'y avait pas de données exploitables, ce qu'a publié Fondevielle qui a fait une grande étude sur l'évolution des dépenses publiques qui s'arrête en 1969, Christine André et Robert Delorme ont écrit aussi une grande étude sur l'évolution des dépenses publiques qui s'arrête dans les années 1880. Par ailleurs, j'ai été regarder ce que la DGAFP permettait de retracer dans la période récente, mais en gros, on arrive quand même à remonter au moins aux années 60, disons 70-60, en fonction des types de données qu'on cherche. Et donc voilà l'évolution en fonction des définitions qu'on va donner aux dépenses de personnel. Alors les variations peuvent être énormes parce qu'il y en a qui vont considérer qu'on ne tient pas compte du militaire, il y en a qui vont compter le militaire par exemple. Donc ça c'est l'explication la plupart du temps de la grande distinction quand on a des grands écarts entre le bas et le haut, c'est essentiellement la prise en compte ou pas des dépenses militaires. Je passe sur les questions de définition. Ce qui est intéressant, c'est quelles que soient les définitions des acteurs, quelles que soient les sources qu'on trouve, on observe une chronologie qui est à peu près cohérente avec différents moments. Un premier qui va jusqu'au début du XXe siècle de relative stabilité. On a une augmentation des dépenses de personnel, mais si on se positionne au XXIe siècle, on observe qu'elle est relativement contenue. Pour les acteurs de l'époque, c'est inadmissible. Hein. On considère que ça augmente beaucoup trop, mais nous, aujourd'hui, on le sait, c'est relativement contenu. Qu'est-ce qui explique qu'au XIXe siècle, l'augmentation des dépenses de personnel est relativement contenue ? Bah parce que l'État prend en charge très peu de fonctions directement lui-même. L'instruction publique, par exemple, ça ne devient une affaire d'État qu'à partir des années 1880. Les instituteurs sont fonctionnalisés en 1889. Donc tout ce qui précède, ça n'entre pas dans les dépenses de personnel, par exemple. On voit une période très de friction hein, dans l'entre-deux-guerres, dans la séquence guerre-crise-guerre, en gros, de l'avant-première jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, avec des variations plus compliquées de hausse, de diminution des dépenses. Donc, en fait, ce que vous voyez dans le creux qui se dessine, c'est les politiques qu'on a appelées de déflation administrative des années 30. Hein, face à la crise, on réduit non seulement le nombre des agents, mais on réduit leur rémunération aussi. Hein. Il y a des décrets-lois de prélèvement de 5 à 10% sur les rémunérations, par exemple, pour faire des économies. Puis vous voyez des années 40 jusqu'aux années 70-80, l'explosion. Et enfin, depuis les années 80, la stabilisation. Explosion, c'est une citation, on a une explosion administrative d'après les juristes qui ont travaillé sur cette période-là. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, ce n'est pas uniquement les dépenses de personnel en volume, c'est assez cohérent avec ce que moi j'avais pu voir en termes d'évolution des effectifs. On dirait, c'est un peu logique. Mais c'est aussi cohérent avec d'autres travaux, notamment ceux de Michel Margueras, sur les transformations de la dépense publique au sens large, avec, en fait, dans les années 40 aux années 80, un moment d'élargissement du périmètre d'intervention, y compris économique et d'État en termes d'investissement, etc. Si on regarde cette fois-ci les proportions, c'est-à-dire ce que représentent les dépenses de personnel dans les dépenses de l'État. J'ai oublié de vous préciser que tout ce que je vous montre concerne l'État, parce que je n'ai pas de données cohérentes qui me permettent de parler des autres versants qui existent à partir des années 80. Ce qu'on observe, et ce sur quoi je voudrais juste insister ici, et j'en dirai pas plus pour l'instant, c'est que à partir des années 70 jusqu'aux années 2000, alors même qu'on est dans la période de stabilisation précédente, c'est ça qui est intéressant dans ce graphique. C'est-à-dire, dans la période précédente, à partir des années 80, stabilisation des dépenses de personnel. De fait, c'est aussi la stabilisation des effectifs de l'État, voire à certains moments leur diminution. Eh bien, on voit que la proportion que représentent les dépenses de personnel dans les dépenses de l'État s'accroît à ce moment-là, pour atteindre des niveaux qu'elle n'avait jamais atteints. C'est ce que... son nom va m'échapper. Un politiste qui a écrit un livre qui s'appelle « L'ordre budgétaire ». Alexandre Siné, merci beaucoup Marc-Olivier, a appelé la grande pétrification dans son étude de l'évolution des dépenses publiques. Alexandre Siné a fait une thèse de sciences politiques ou d'économie politique sur ce sujet-là, et puis ensuite il est devenu inspecteur des finances. Qu'est-ce qu'il montre dans son analyse ? C'est qu'on est dans une période où, en fait, on a une augmentation de la part des dépenses de personnel, non pas forcément parce qu'on a augmenté les effectifs, de fait on ne les a pas augmentés tant que ça, mais parce qu'on a réduit le reste. Et en gros, ce que vous voyez ici, c'est la diminution des dépenses d'investissement et d'intervention économique dans cette période-là. Et donc, mécaniquement, le poids des dépenses de personnel augmente. Si on regarde les évolutions de variation annuelle de pouvoir d'achat dans la fonction publique, ce que vous voyez ici, c'est tout ce que j'ai trouvé qui me permettait de calculer des variations annuelles de pouvoir d'achat. Donc toutes les sources que j'ai pu trouver, donc on retrouve Fondvielle, Tiano, il y a aussi Thomas Piketty qui dans son premier livre, son premier gros livre sur l'histoire des hauts revenus en France, produit un certain nombre de séries de salaires sur des catégories, on a facteur, on a universitaire, on a chef de bureau, on a voilà, quelques catégories, ça renvoie à ce que disait Lucien Amarc hein, dès 1914, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données sur le salaire des fonctionnaires, mais on a des données sur certaines catégories d'agents. C'est bien sûr aussi les données de l'INSEE, de la DGAFP. Donc en gros, tout ce que j'ai pu trouver sur les salaires des agents de l'État. Et ensuite, c'est de regarder de combien ça augmente d'une année sur l'autre. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est une chronologie qui, en quelque sorte, est assez proche de ce qu'on avait vu avant. J'insiste juste parce que c'est un peu petit là, mais que l'échelle est différente entre la gauche et la droite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'échelle est plus resserrée à droite. Donc la variation que vous voyez est un peu exagérée par rapport à celle que vous voyez avant. Hein. Sinon, ce n'était pas lisible. On aura eu en fait une impression de stabilisation dès les années 70 qui était un peu trompeuse. Bon, ce qu'on voit en gros, c'est que jusqu'en 1914, on a une sorte de stabilité de l'évolution des évaluations du pouvoir d'achat. Qu'entre 14 et 1945, on a des moments de hausse, de baisse qui se succèdent. Et comme vous le voyez, alors ce qui est important, c'est moins la moyenne mobile que j'ai représentée que la grande variété des hausses qui ont l'air très fortes à certains moments, très, très basses à d'autres moments. Puis, si on passe au deuxième graphique, on a une période qui va des années 50 jusqu'aux années 80 où on a quasiment que des moments de hausse. Si vous regardez uniquement les barres, hein, on a très peu de moments de baisse de pouvoir d'achat des différentes mesures observées à partir, disons, pour le dire vite, du milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 80. Puis, dans la période années 80 jusqu'à aujourd'hui, des successions de baisses et de hausses, mais d'ampleur beaucoup plus limitée que dans toutes les périodes précédentes. C'est-à-dire c'est une période de stabilisation qu'on pourrait presque rapprocher de celle qui a précédé Première Guerre mondiale, c'est-à-dire un moment où les fluctuations de pouvoir d'achat sont très limitées et où les baisses semblent plus nombreuses que les périodes de hausse en termes de pouvoir d'achat. Pour certaines catégories, je pense qu'il y a certaines catégories qu'on a. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est les réévaluations, c'est le moment où on décide de multiplier par 3 tous les salaires à certains moments. Alors, et ce qui, du fait de l'inflation, n'est pas aussi énorme que ce qu'on pourrait imaginer, mais qui, dans un tableau comme ça, ressort quand même de façon considérable. Bon, tout ça, c'est très bien, mais c'est très globalisant, puisqu'on voit des grandes tendances. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est d'aller regarder tout ça dans le détail. D'aller regarder le détail de qui gagne quoi dans la fonction publique. Et ça, on peut le faire, grâce à des données de l'Institut des politiques publiques, de la DGAFP et de l'INSEE, mais aussi de données élaborées par un collègue enseignant de sciences économiques et sociales qui s'appelle Kevin Hédé, qui a produit plusieurs études qui ont été mises en ligne. Hein. Donc là, les données que vous voyez ici, je les ai reprises d'une publication qu'il a faite dans Grand Continent. Et dans Grand Continent, il a fait une étude sur l'évolution des salaires enseignants, mais qui contient aussi des éléments, logiquement, hein, si on s'intéresse à une catégorie, c'est bien de regarder la moyenne des autres, et donc qui s'intéresse aussi à d'autres données. Donc ce que vous voyez ici, c'est une agrégation de différentes données. Et pourquoi je commence en 1996 parce que c'est la seule année commune à ces données-là, et qu'il n'était pas possible sinon de les comparer. Et comme vous le voyez, on n'a pas des données jusqu'en 2024 pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce graphique ? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'elle permet de comprendre les conflits. Ce graphique permet de comprendre pourquoi les organisations syndicales et les pouvoirs publics sont en désaccord sur ce qu'on peut attendre des décisions gouvernementales en termes de hausse salariale. Pourquoi ? Parce que, prenons l'exemple de ce qui s'est passé ces deux dernières années, le gouvernement a annoncé des hausses de points d'indice, en expliquant qu'il n'y avait pas eu de hausse de point d'indice équivalente depuis des décennies. Bon, ce qui est vrai, hein, puisque le point d'indice, il est bloqué depuis 2010. Le déblocage de 2012, juste opportunément, de 2016, pardon, opportunément juste avant les présidentielles de 2017, était à peine cohérent avec l'inflation. Donc, ce n'était pas une vraie hausse, en réalité. Il y a un déblocage de 1,5% sur une année, puis sur l'autre. Et puis, il y a eu les annonces de 2022, c'est-à-dire que pendant plus d'un an et demi, Amélie Montchalin avait dit qu'on ne pouvait pas débloquer le point d'indice, qu'il fallait se fixer sur les bas salaires. Il y a eu ce déblocage. Et ce déblocage de 2022, donc au moment de son départ, elle a annoncé, et c'est Stanislas Guérini qui l'a mis en œuvre, les déclarations, c'était « on n'a jamais autant augmenté, on parle que de point d'indice hein. ». Et les organisations syndicales disaient « oui, mais nous, on va quand même avoir une baisse de pouvoir d'achat ». Pourquoi les organisations syndicales disent ça ? Parce que tout simplement, le point d'indice n'est plus le déterminant principal du salaire dans la fonction publique. Et ce n'est pas quelque chose qui a été décidé ces dernières années, c'est quelque chose qui s'est construit depuis les années 80. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que vous voyez ici, c'est les deux courbes qui diminuent considérablement, moins 25% de pouvoir d'achat entre 1996 et 2023, c'est la valeur réelle du point d'indice. En fait, la baisse, elle commence avant, mais je ne pouvais pas le mettre parce que je ne pouvais pas comparer avec les autres, mais en tout cas, au moins depuis le milieu des années 90. Mais une fois qu'on a dit ça, attention, ça ne veut pas dire que les salaires et les rémunérations des agents publics a diminué de 25%, puisque en réalité, si vous regardez la moyenne, donc en haut, alors je vais me lever pour peut-être plus, que ce soit plus parlant, ce que vous voyez dans le plus haut ici, la courbe la plus foncée mais qui s'arrête le plus trop, c'est les salaires moyens des cadres de la fonction publique non enseignants. En gros, c'est les catégories A dont on a enlevé les enseignants. La plus foncée. Donc ici, vous voyez, c'est celle qui a l'air de bien augmenter, en gros, et qui, en gros, entre 1996 et 2014, 9,5-10% à peu près de hausse de pouvoir d'achat. La courbe qui monte le plus, c'est les salariés, donc c'est le privé, en fait. Il y a des moments où les cadres s'augmentent un peu plus, mais globalement, on a une hausse. Et la courbe que vous voyez ici, c'est les salaires moyens de tous les agents de la fonction publique. D'accord ? Donc, si on regarde uniquement les salaires moyens, j'y reviendrai plus tard dans la présentation, on a une hausse du pouvoir d'achat, si on prend les dates extrêmes, d'à peu près 7,5% dans la fonction publique. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en bas, parce que si on a ça, c'est le point d'indice, mais ce que vous avez qui suit à peu près cette évolution-là, c'est les salaires enseignants. Ça, c'est les certifiés. Et ça, ce sont les profs des écoles. Je vous montre ici pour ceux qui ne voient pas. Donc ça, c'est le point d'indice en bas. Ça, c'est les certifiés. Ça, c'est les profs des écoles. Ça, c'est le salaire moyen dans la fonction publique. Les cadres dans l'État sans les profs. Les salariés au sens large, donc les salaires privés. Ce qui nous montre, en fait, ce graphique-là, tout simplement, c'est que les salaires évoluent de façon contradictoire à l'évolution du point d'indice. Donc, en gros, ce qui permet de gagner du pouvoir d'achat, c'est les primes. Je caricature un peu, mais globalement, c'est les primes, c'est le régime indemnitaire. Et bien entendu, c'est aussi le GVT, et donc, c'est-à-dire la prise d'ancienneté, etc., les changements de grade, etc. Mais ce n'est plus le point d'indice qui détermine les hausses de pouvoir d'achat. Ça, c'est la première chose que ce graphique nous montre. L'autre chose que ce graphique nous montre, c'est qu'en réalité, il y a des inégalités considérables à l'intérieur de l'État. Parce que tout le monde n'a pas les primes. En fait, alors j'ai mis les profs parce que c'est les données que j'avais. Hein. Mais les profs, c'est un exemple quasi caricatural, on le sait depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire que les profs ne bénéficient pas de primes équivalentes à ce qu'on a quand on travaille dans d'autres administrations. Mais c'est caricatural, mais en réalité, si on prenait les salaires de différentes administrations, on pourrait constater la même chose que ce que constatait déjà il y a longtemps, j'y reviendrai dans un instant, Vivien, en 1845, d'un ministère à l'autre, on n'a pas le même salaire. Ce qui peut paraître, on peut se dire, bah oui, c'est logique, sauf qu'entre Vivien et aujourd'hui, on est censé avoir unifié la fonction publique. Tout ça, et c'est mon dernier point, nous permet, alors pas uniquement à partir de ces données, hein, mais des travaux d'historiens, de quelques recherches de sources et de ce qu'on sait de l'évolution des politiques de la fonction publique, de proposer une sorte de chronologie de ce qu'ont pu être les politiques de la fonction publique en matière de pouvoir d'achat. Et je la lis, alors c'est un angle très subjectif, qui ne surprendra pas ceux qui savent sur quoi j'ai travaillé jusque-là, de la comparaison nombre-rémunération, c'est-à-dire trop de fonctionnaires mal payés. En fait, cette affirmation de trop de fonctionnaires mal payés, si vous vous souvenez peut-être pour les moins jeunes de la salle, c'est le grand slogan de Nicolas Sarkozy en 2007. Il se trouve que c'est le moment où moi je commence ma thèse sur le nombre des fonctionnaires et je découvre qu'en fait il reprend quelque chose qu'on dit depuis un siècle, au moins. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette dimension-là, ce n'est pas que du slogan, puisqu'en fait, c'est la tension séculaire qu'il y a toujours eu quand il s'est agi de faire des politiques de la fonction publique en matière de rémunération en France. Alors, je distingue quatre périodes. Une première période où on constate, on dénonce et on ne fait rien. C'est un peu pareil que sur le nombre des fonctionnaires. On dénonce le nombre des fonctionnaires, on fait rien. Ben, on dit qu'ils sont mal payés, on fait rien. Jusqu'en 14. En 14 apparaît quelque chose qui jusque-là était contenu, c'est une inflation considérable qui ne permet plus aux pouvoirs publics et aux employeurs publics de ne pas prendre au sérieux la question des rémunérations. Et c'est une période de 14 à 44, bien entendu du fait de la séquence guerre-crise-guerre, qui fait qu'en réalité on n'a pas de politique très volontariste, on est essentiellement dans le fait d'essayer de limiter les pots cassés, pour le dire de façon un peu familière. De 45 à 78, on est dans une logique de soutien et d'accroissement du pouvoir d'achat qui laisse la place à une logique de modération salariale et de maîtrise de la dépense publique à partir de la fin des années 70. Alors, le constat, rapidement, hein, mince, hop. Vivien, 1845, Victor Turcan, 1899, Alexandre Lefas, 1913, Vivien, préfet Vivien, auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les études administratives », qui part en 1845, qui est en gros le livre qu'il faut lire pour entrer dans la haute fonction publique au milieu du 19e siècle, que vous pouvez consulter sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, qui parle d'énormément de choses, puisque ces études administratives, c'est en gros une sorte de traité de ce que c'est l'administration publique au milieu du 19e siècle. Et en fait, Vivien, dans ce livre-là, explique qu'il y a beaucoup trop d'agents qui sont beaucoup trop mal payés et qu'on ne peut pas faire une augmentation générale parce que ça coûterait beaucoup trop cher et que donc ce qu'il faut, c'est réduire le nombre des agents de la fonction publique si on veut régler ce problème des rémunérations. Victor Turquin, directeur de la Statistique générale de la France, alors en fait, il est chef de la SGF, elle n'est pas encore aussi institutionnalisée qu'elle ne le sera sous Lucien Marc, mais Victor Turquin, chef de SGF, s'intéresse au nombre des fonctionnaires à la fin du 19e siècle, dans une logique politique, parce qu'il est membre de la Société d'économie sociale, il publie dans la réforme sociale, il est anti-étatiste, il trouve qu'il y a trop de fonctionnaires, et donc il produit une étude sur le nombre des fonctionnaires, et il s'intéresse au traitement, et il dit « ils sont trop nombreux, si on veut en augmenter la rémunération, il faudrait diminuer le nombre pour qu'ils soient mieux payés ». Alexandre Lefas, député de centre-droit, à la veille de la Première Guerre mondiale, nous dit la même chose. Ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est que tout le monde signale cette situation. Quasiment tout le monde dans cette période-là a dit à un moment donné, sur tous les chiquiers politiques, il y a trop de fonctionnaires, ils sont mal rémunérés, mais aucune politique n'est mise en œuvre en la matière. Pour que vous ayez une idée de la situation à la fin du 19e siècle, je vous montre un graphique. Donc ça, c'est un graphique que je tire de ma thèse. Je ne sais plus si je l'ai mis dans le bouquin, mais en fait, là, je vous le montre pour une autre raison. Donc, c'est un graphique qui m'a essentiellement servi à montrer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Mais là, en fait, ce que ça montre surtout, c'est la modicité des traitements pour tout le monde. Ce que vous voyez ici, c'est que l'écrasante majorité des agents de la fonction publique, telles que les mesures Victor Turquin, hein, il y a énormément de défauts dans son comptage statistique. Ce n'est pas une image exacte de ce qu'est l'administration, mais c'est tout ce qu'on a. Quand il publie son étude en 1899, on voit qu'il y a 91% des femmes qui ont un salaire inférieur à 1000 francs annuels. C'est 99% si on monte à 2000 francs annuels, qui ont un salaire inférieur. Et chez les hommes, c'est 21% inférieur à 1000 francs. Et on est, je crois, si on prend femmes et hommes tout compris, autour de 90% des agents de l'État, des fonctionnaires et employés de l'État, qui ont une rémunération inférieure à 2000 francs annuels. Pour que ça vous parle, prenez en compte le fait qu'en 1886, 10 ans, ça concerne l'année 1896, ces données, 10 ans avant, le Parlement se saisit de la question de l'impôt. Enfin, ils sont saisis depuis longtemps, mais ils parlent de l'impôt sur le revenu. Et en fait, c'est un peu anecdotique dans le débat, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est qu'il y a une discussion sur qui doit payer l'impôt et à partir de quand on impose. Si on mettait en place un impôt sur le revenu. Ça n'a pas été fait avant la Première Guerre mondiale, mais on en a beaucoup parlé avant. Et en 1886, les parlementaires s'accordent sur une chose, c'est qu'en dessous de 1500 francs de revenus annuels, on ne peut pas imposer, parce qu'avec 1500 francs annuels, on a à peine de quoi vivre dignement. C'est ce qu'on pourrait l'appeler aujourd'hui quasiment un seuil de pauvreté. Et donc voilà, 90% de la fonction publique gagne en dessous. Alors attention, ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent dans la fonction publique gagnent que ça, puisque de fait, par exemple, les instituteurs ne sont jamais juste instituteurs, ils sont aussi secrétaires de mairie. Enfin, en gros, il y a des cumuls et des choses qui font que les gens ne peuvent pas vivre de leur seule fonction publique et ils en cumulent d'autres. Et je vous rappelle donc que c'est cette période, hein, dans le graphique que je montrais tout à l'heure, où on a en fait jusqu'en 1914, en réalité, pas vraiment de politique de soutien ou de diminution, hein, ni dans un sens ni dans l'autre, du pouvoir d'achat. On maintient les rémunérations en ayant bien en tête, hein, que tout ce que je vous dis là, jusqu'en 1946... chaque administration fait ce qu'elle veut, hein. C'est-à-dire qu'il y a, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique imposée par le gouvernement ou le Parlement, par l'État, d'une rémunération commune en fonction de grade, etc. Chaque ministère rémunère un peu comme il veut. Il y a des échelles de traitement qui sont propres à chaque administration, etc. De 14 à 44, on va courir après l'inflation. C'est-à-dire que là, la question est prise au sérieux. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui s'inquiètent de la situation. Alors pas tout seul, hein, parce que les associations et organisations syndicales les poussent sur cet aspect-là. Et on va essayer de faire en sorte de limiter l'effondrement du pouvoir d'achat des agents. En 14, on crée une indemnité de charité de la vie qu'on transforme en 17 en supplément temporaire de traitement avec une indemnité de charité de la vie qu'on associe à la taille de la famille, puisque la grande obsession depuis la fin du 19e, c'est la question de la natalité, et les fonctionnaires sont l'un des terrains d'expérimentation les plus observés de tentatives de lien entre rémunération et charge de famille. Au sortir de la guerre, on prend tellement la question au sérieux qu'on charge Hébrard de Villeneuve, qui est vice-président du Conseil d'État, d'une commission qui vise à revoir tous les traitements dans l'État pour régler le problème de ces rémunérations trop basses et de ce pouvoir d'achat qui s'est effondré depuis la guerre. Sauf que dans le même moment, on est dans une politique inédite qui n'avait jamais été opérée avant de réduction des effectifs. Et là, vous voyez émerger le moins de fonctionnaires mieux payés, puisque dans les années 20, les politiques menées consistent à dire il faut revaloriser, mais on doit faire des économies, donc on ne revalorisera que si on réduit les effectifs. Et on le fait, contrairement à ce qui a été fait dans les années plus récentes, c'est-à-dire qu'il y a une vraie augmentation. Alors attention, pas du pouvoir d'achat parce que l'inflation est trop forte, donc en gros... En réalité, les agences ont toujours un pouvoir d'achat qui diminue et qui n'arrive pas à rattraper. Mais il y a un vrai volontarisme gouvernemental basé sur des économies par ailleurs. Dans les années 30, ça change radicalement. Les années 30, on entre dans la crise. Et à partir du moment où on entre dans la crise, les gouvernements qui vont succéder de 1932 jusqu'à 1938 vont mettre en place ce qu'on appelle une déflation administrative qui va consister, pour contrôler les prix, les salaires, etc., à l'appliquer en premier lieu dans l'État. Et donc, en gros, se succèdent des périodes de décrets-lois, de réduction des effectifs, blocage ou réduction des traitements. Alors il y a d'autres choses. Il y a aussi des abaissements de limites d'âge pour pousser les agents à partir à la retraite plus vite, etc. Je fais comme si c'était une période 32-38 uniforme. Elle n'est pas du tout uniforme. Hein. En fonction des gouvernements, il y en a qui ne vont pas du tout toucher au traitement et que aux effectifs, d'autres qui vont toucher aux deux. Le début du Front populaire, 36, c'est une pause. Alors attention, il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat, il n'y a pas de décisions qui sont prises pour soutenir les agents. Mais en fait, ce que le Front populaire décide de faire, c'est de faire des économies autrement. Donc notamment, par exemple, pour les économies, le Front populaire joue beaucoup sur l'abaissement de la limite d'âge en considérant qu'en plus, c'est une façon de permettre aux jeunes de travailler en libérant de la place. Et puis enfin, sous Vichy, je ne prends pas le temps de tout développer, mais il y aurait beaucoup de choses à développer, mais on a des grandes déclarations sur la nécessité de tout refondre, etc. Mais en fait, comment ça se traduit en pratique? Ça se traduit comme ça avait été fait auparavant, pendant la Première Guerre mondiale. On fait des revalorisations indemnitaires, donc on augmente l'indemnité de résidence sur une base familiale. On crée des indemnités de direction, puis de fonction, puis des indemnités de technicité. En fait, on est dans une problématique là qui relève de la crise du recrutement, c'est-à-dire qu'on veut... C'est aussi que les Allemands bloquent les hausses de traitement. Oui. Les Allemands peuvent jouer que sur les primes. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce que ne fait pas Vichy alors qu'il l'annonce, parce qu'en fait, il n'y arrive pas, c'est de refondre complètement le système. Ils ont essayé, hein, puisqu'il y a le premier statut de 41 qui tente d'introduire notamment une notion inédite qui est la question du traitement familial. Donc, c'est-à-dire en gros, chacun est rémunéré non pas sur la base de sa fonction et de son travail, mais sur la base de la composition de sa famille. Bon, je passe, il y a des travaux à lire pour en savoir plus. Et donc là, vous voyez hein, ces périodes hachurées que j'évoquais tout à l'heure, avec des grandes variétés de politiques, mais qui, à la fin, se traduisent par une situation de statu quo. La grande rupture, c'est l'après-Deuxième Guerre mondiale. Là aussi, on est dans une période de prise en considération du nombre des rémunérations, mais aussi de refonte de la fonction publique. On refond la fonction publique, donc en gros, le système dans lequel on se trouve encore aujourd'hui naît en 48. C'est la création de ce qu'on a appelé la grille indiciaire. Et la création de la grille indiciaire, elle est le résultat d'un classement lancé dès 46. Donc c'est 2 ans de travail, dont Roger Grégoire, le directeur de la fonction publique, dira plus tard que c'est un échec. La volonté de rationalisation et de revalorisation, pour lui, a été un échec. On classe les agents. Donc vous avez une petite image de CNEP hein, humoristique qui est de savoir on met qui, où, à quel moment, etc. Mais l'idée, c'est d'unifier. Bien entendu, si on unifie la fonction publique, parce que c'est le moment où on vote le statut, on crée la direction de la fonction publique, on crée l'ENA, on nationalise l'école libre. Enfin, c'est toute cette période de refondation de la fonction publique, à l'intérieur de laquelle on considère que les rémunérations sont un des sujets aussi importants que les autres. C'est l'un des 3 piliers hein, de la refondation de la fonction publique, formation, recrutement, statut, rémunération. C'est aussi une période où on réduit considérablement le nombre des agents. Les années 45-48, avec le soutien de l'ensemble des forces politiques et en particulier aussi des communistes, Jacques Duclos demande du spectaculaire à l'Assemblée, ça surprend souvent quand je le dis, on est dans une période où on considère qu'il faut réduire les effectifs. Alors pour plein de raisons différentes, hein, et pour les communistes par exemple, c'est surtout que ça va permettre de poursuivre l'épuration qui est considérée comme insuffisante. Mais on est aussi persuadé, il y a plusieurs déclarations de Thorez en ce sens-là, que si on veut augmenter les traitements, il faut réduire les effectifs. Que de toute façon, on ne peut pas augmenter les traitements de façon uniforme. Donc il y a une commission de la hache, une commission de la guillotine. On a des lois de dégagement des cadres. Ça, c'est des choses qui ont été un peu oubliées, mais le statut n'empêche pas de faire du licenciement économique. Il suffit d'une loi de dégagement des cadres. Peut-être que certains s'en souviendront et on verra ce que ça donnera. Il y a un volontarisme considérable puisque la refonte de ces grilles salariales conduit vraiment à augmenter considérablement le salaire nominal des agents. On commence par une multiplication par 3, je crois, nous dit Jeanne Sivek-Puiseau au sortir de la guerre. Mais en fait, compte tenu de l'inflation, ce que constatent les observateurs d'après-guerre, donc Carcel et Masse en 1949, Tiano en 1957, c'est qu'on a un pouvoir d'achat dans la fonction publique qui, en réalité, dans les années 50, reste inférieur à celui qui était celui des agents dans les années 30, voire à la veille de la guerre. Mais le volontarisme s'installe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée qu'il relève d'une politique de la fonction publique que de défendre le pouvoir d'achat des agents. Et de fait, quand la situation... Alors pourquoi ? Parce que forte inflation, et puis surtout période de reconstruction, besoin de financement, d'intervention, etc., qui explique qu'on ne peut pas mettre tout dans la politique de la fonction publique. Mais dès les années 60, une fois la période de reconstruction achevée, on voit qu'on arrive à une réelle augmentation. Donc on a des données qui montrent une augmentation de la valeur réelle du point d'indice entre les années 60-70 de l'ordre de 30%. C'est la période faste que je vous montrais dans le graphique précédent. Et on a une indexation de fait du point d'indice sur l'inflation. Il n'y a jamais eu d'indexation de droit du point d'indice. C'est-à-dire qu'on dit qu'à partir du milieu des années 80, le gouvernement a désindexé les traitements de l'inflation. En réalité, ce n'est pas qu'il a désindexé, c'est qu'il a arrêté d'appliquer quelque chose qu'il n'était pas obligé d'appliquer. Pourquoi ? Parce que dans les années 60-70, les organisations syndicales sont fortes et que les négociations conduisent les gouvernements à devoir suivre les revendications, et qu'à partir des années 70-80, les choses changent. Alors qu'est-ce qui change dans les années 80 ? Celles et ceux qui étaient présents à la séance où Anicet Le Pors était là l'ont entendu le dire, hein, il l'a dit lui-même que dès le début, l'indexation n'existe plus. Qu'est-ce qui se passait avant ? En fait, tout simplement, le gouvernement faisait la loi de finances en regardant ce qu'étaient les prévisions d'inflation. Il discutait avec les organisations syndicales de l'augmentation du point d'indice. L'augmentation du point d'indice était décidée. Puis on se revoyait 6 mois plus tard quand on constatait l'inflation réelle et on rediscutait de l'augmentation, quitte à le réaugmenter pour être sûr qu'il n'y ait pas de baisse de pouvoir d'achat. Ça disparaît au début des années 80. Alors ça disparaît pour plusieurs raisons. D'abord, la loi de 83, j'accélère parce que je suis trop long, donc je ne vous lis pas tout, mais la loi de 83 de refonte du statut instaure le rôle des organisations syndicales dans les négociations. Ça, c'est institutionnalisé par la loi. Mais dans le même temps, on change de façon de calculer. Pourquoi ? Parce que la première chose, c'est que dès la fin des années 70, le gouvernement assume que son objectif désormais n'est plus de soutenir l'augmentation du pouvoir d'achat, mais de le maintenir. On est dans une situation de crise, notamment des finances publiques, qui va même mener, vous le savez peut-être, en 82 au blocage des prix et salaires. Alors c'est temporaire, hein, mais ça instaure en fait un blocage qui va mettre un coup d'arrêt à toutes les politiques qui avaient été menées depuis les années 60. Et surtout, il y a une tendance globale, hein, alors je ne le mets pas là, je l'analyse un peu dans l'article, hein, l'OCDE montre que ce n'est pas que la France, c'est l'ensemble des pays membres de l'OCDE qui entrent dans une politique de modération salariale de ces administrations publiques. Comment on fait ça en France ? On utilise le raisonnement en masse salariale étudié par Philippe Bézès. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Dans les négociations avec les syndicats, eh bien, on dit « arrêtez de nous parler du point d'indice, regardons la masse salariale ». Et donc quand les syndicats arrivaient à obtenir une augmentation du point d'indice, ils arrivaient à obtenir mécaniquement de l'augmentation de pouvoir d'achat. Quand on dit « regardez le raisonnement en masse salariale », ça veut dire qu'on tient compte de l'ensemble des évolutions, y compris les évolutions du GVT, c'est-à-dire les évolutions de carrière, etc. Parce que bien entendu, quand je vous montre tout à l'heure mon tableau qui dit qu'un enseignant certifié a perdu 10% de pouvoir d'achat, en réalité, si on parle d'un individu réel, il n'a pas forcément perdu ces 10%-là, puisque cet individu réel, dans cette période de 15 ans, il a pris des échelons. Donc il est peut-être à zéro. Il n'est pas forcément à moins 10. Et donc du coup, le raisonnement en masse salariale, ça vise à dire « tenons compte de tout ». Et donc du coup, c'est ce qui explique que les organisations syndicales, qui par ailleurs sont affaiblies à partir des années 90 sur ces terrains-là, vont avoir moins d'arguments pour obtenir des augmentations. Puis par ailleurs, les réunions sont plus annuelles, bisannuelles, etc. Donc il y a par ailleurs moins de négociations sur le terrain salarial. Et c'est là que vous observez le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. En conclusion, une chose, toute l'histoire du XXe siècle, c'est de savoir si on va avoir des fonctionnaires moins nombreux et mieux payés dans les discours aussi bien gouvernementaux que, disons, dans médiatiques, polémiques, etc. Vous l'avez vu, il y a eu des politiques très différentes qui ont pu être menées au fil du temps de résolution de cette tension entre le nombre et les rémunérations. La période, en fait, où on a à la fois augmenté le nombre des agents et augmenter leur rémunération, c'est une période, en réalité, dans l'histoire du long XXe siècle, qui est très courte, puisque c'est une petite période qui va des années 60 aux années 80, aux années 70. La plupart du temps, autrement, on a eu des périodes de modération de l'augmentation du pouvoir d'achat, voire de diminution dans la période récente. La période récente, si je devais me risquer à une tentative de catégorisation, me semble ressortir encore un peu, puisque des années 80 jusqu'aux années 2000, c'est une politique de modération salariale où on modère l'évolution des effectifs, on ne les diminue pas, on fait en sorte de les stabiliser, je parle de l'État, hein, toujours, et on modère les augmentations salariales. À partir du milieu des années 2000, on réduit les effectifs, et donc le slogan « moins de fonctionnaires, mieux payés », je ne vais pas faire de la psychologie, mais je pense qu'il le veut vraiment, Nicolas Sarkozy, quand il le dit, puisque sa promesse consiste à dire les économies de rémunération qu'on va faire, on va les transformer en primes, et ces primes-là, on va prendre la moitié des économies, et cette moitié d'économies, ça deviendra de réprimes. Sauf qu'en 2008, il y a la crise, et qu'il y a le blocage du point d'indice, et que même si des primes sont mises en œuvre à partir de 2010, elles ne sont pas de l'ordre de celles qui avaient été envisagées au début du quinquennat. Et on a réduit les effectifs de l'État d'à peu près 93 000 équivalents temps plein entre 2007 et 2012. Depuis, ils sont stabilisés, voire parfois ils diminuent. Mais ce qui, selon moi, est plus important en réalité, c'est pas la baisse du nombre des agents de l'État, c'est la baisse des fonctionnaires. Parce que contrairement à tous les titres de presse qu'on voit depuis une dizaine d'années, il n'y a pas toujours plus de fonctionnaires, il y a de moins en moins de fonctionnaires. Ils sont toujours majoritaires, hein. Mais 2011-2021... on a moins 0,5% de fonctionnaires, donc plutôt stabilisation, mais leur proportion dans ce qu'est la fonction publique là, c'est les trois versants, puisqu'on a les données sur les trois versants, elles baissent de 75 à 71%, là où les contractuels ont vu leur nombre augmenter de 34%, et leur proportion passer de 16,5 à 21,5, je crois qu'on est même à 22 d'après les dernières données diffusées par l'INSEE et la DGAFP. Donc la question qu'on peut se poser, c'est si on n'est pas entré dans une période, et là pour le coup, quand je posais la question, on n'en était pas encore aux déclarations récentes, mais on pourrait se demander si on n'entre pas dans une... si on n'est pas entré, en fait, depuis le résultat de 2011-2021 est essentiellement lié à 2017-2021. C'est-à-dire que l'augmentation des contractuels, elle avait commencé avant, mais le dépassement du seuil de 20% du poids des contractuels, il date de 2019. Ce qu'on peut se demander, donc, c'est si on n'entre pas dans cette période où on aura moins de fonctionnaires qui seront moins bien payés. Merci de votre attention.